Il arrive parfois que l'on ressente de l'appréhension, de l'anxiété, voire de l'angoisse, en pensant à quelque chose en particulier. Il peut s'agir d'une tâche qu'on a à accomplir, d'un lieu dans lequel on doit se rendre, ou d'une conversation que l'on doit avoir. Dans tous les cas, nous sommes alors envahis par des sensations physiques très désagréables. Une boule dans le ventre, la gorge nouée, des palpitations, et parfois même des bouffées de chaleur et des tremblements dans les membres. Ces sensations sont les symptômes de l'angoisse. Votre esprit se sent en danger et prépare votre corps à fuir ou à combattre. Ensemble, nous allons essayer d'atténuer ces sensations, voire les faire totalement disparaître. Pour commencer, installez-vous confortablement dans un endroit calme. Fermez doucement les yeux pour vous intérioriser et écoutez simplement votre respiration. Observez le parcours de l'air qui entre par votre nez, pénètre dans vos poumons en soulevant votre cage thoracique, gonfle votre ventre et ressort tout simplement lorsqu'il a terminé son parcours. Il est possible que votre esprit s'échappe déjà et s'envole vers ce que vous appréhendez. Ce n'est pas grave, et c'est même parfaitement normal. Revenez simplement sur votre souffle. Lorsque vous vous sentirez prêt, je vous invite à prendre note de toutes les sensations désagréables dans votre corps, juste en observant, sans aucun jugement, répertoriez chacune de ces sensations les unes après les autres. N'essayez pas de les contrôler ou de les atténuer. Listez tout simplement, avec le plus de détachement possible, toutes les sensations que vous percevez. Par exemple, je sens que mon cœur bat vite. J'ai la gorge serrée. Je sens une boule dans mon ventre. J'ai des tiraillements dans les jambes ou encore j'ai le souffle court. Pour vous aider à dissiper au maximum ces sensations, nous allons tout d'abord utiliser votre respiration. À la prochaine inspiration, inspirez par le nez en gonflant votre ventre en comptant jusque 3. Bloquez votre souffle un instant, puis expirez en poussant l'expiration jusque 6. Vous êtes prêt ? Inspirez par le nez, 1, 2, 3. 3, bloquez votre souffle et expirez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Continuez comme cela sur quelques respirations. Vous sentez probablement votre corps se détendre. Les petites douleurs et les sensations désagréables se dissipent en même temps que votre souffle s'échappe. Puisque votre cerveau ne fait pas la différence entre une pensée et la réalité, et qu'il transmet à votre corps de mauvaises informations, nous allons lui jouer un petit tour en utilisant ce mécanisme à votre avantage. Je vous propose ici de créer un petit scénario. Pour cela, pensez à l'événement qui provoque en vous ces émotions négatives. Si les sensations désagréables ressurgissent, respirez à nouveau avec le ventre comme nous l'avons fait tout à l'heure. Concentrez-vous donc sur cet événement. Imaginez que celui-ci se déroule exactement comme vous le désirez. Ici, pas de catastrophisme. Qu'il s'agisse d'un entretien, d'un rendez-vous, d'une discussion importante, d'un endroit où vous devez vous rendre, de la façon dont vous vous y rendez ou d'une performance que vous devez réaliser. Visualisez un début idéal, un déroulement idéal et une fin idéale. Ne lésinez pas sur les détails. Comme un vrai réalisateur, ajoutez de la couleur et de la lumière. Créez votre décor. Pourquoi pas ajouter une musique de fond qui vous plaît et qui vous donne de l'énergie. Imaginez-vous dire ce que vous avez à dire et être tout à fait à l'aise pour le faire. Voyez-vous en pleine forme et atteignant votre objectif. Comme un acteur, essayez de ressentir tout ce que vous projetez, exactement comme si vous y étiez. De la joie, de la réussite, de la confiance en vous. Ce n'est pas forcément simple à faire. Mais dites-vous que vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner à essayer. Permettez à votre cerveau d'enregistrer toutes ces informations. Peaufinez votre scénario. Imaginez-vous juste après être fier de ce que vous avez réalisé et heureux d'avoir dépassé cet événement. Vous êtes prêt désormais à affronter cette situation. Si les émotions vous submergent à nouveau, repensez à votre petit film en respirant avec le ventre. Cela vous permettra de vous reconnecter à ces sensations de force et de réussite. Ramenez désormais votre attention sur votre respiration. Observez de nouveau l'air qui entre dans vos poumons, son parcours, les sensations physiques qu'il provoque en vous. Lorsque la cloche retentira, prenez tout votre temps pour ouvrir les yeux et reprendre vos activités. Et surtout, n'oubliez pas de vous féliciter pour ce précieux moment que vous vous êtes accordé. À bientôt !